La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cessé. Introduction à la Cité de Dieu. Accord de la philosophie platonicienne et du christianisme dans l'ordre des problèmes métaphysiques. Le premier problème que la métaphysique se propose, c'est celui de l'existence de Dieu. Saint Augustin le résout en pur disciple de Platon. On peut faire d'excellents raisonnements pour confondre les athées, et Platon a parfaitement prouvé au 10e livre des lois que l'athéisme est la négation du principe le plus simple et le plus évident de la raison, le principe de causalité. Mais pour un vrai philosophe, l'existence de Dieu est une vérité si claire par elle-même qu'elle n'a pas besoin de démonstration. L'esprit, en effet, n'atteint pas Dieu comme la dernière conséquence de principes antérieurs. Il monte et s'élève à lui par un mouvement naturel et irrésistible, comme au principe de tous les principes. Il y a pourtant deux degrés à distinguer dans ce mouvement ascendant de la raison, de même que le soleil du monde visible nous apparaît d'abord comme le foyer de la lumière, Dieu est pour nous, à un premier titre, la vérité absolue, la vérité unique où toutes les vérités s'identifient, la raison universelle qui éclaire toutes les intelligences. Il est, dit Platon, le soleil du monde intelligible. Voilà son premier titre à nos adorations et à nos respects. Mais le soleil matériel n'est pas seulement le foyer de la lumière, il est aussi la source de la chaleur et de la vie. De même, Dieu n'est pas seulement le principe de l'intelligence et de l'intelligible, la raison et la vérité en soi. Il est aussi le principe de l'être, l'idée des idées, l'unité absolue, le bien en soi, en un mot la dernière racine de tout ce qui est. Nous avons vu Saint Augustin, dans les Confessions, s'élever vers Dieu à titre de vérité éternelle et de verbe incré. Dans la Cité de Dieu, il se place, avec Platon, à une hauteur plus sublime encore. Il démontre Dieu comme être des êtres, comme infiniment au-dessus des corps, au-dessus de l'âme, au-dessus de toutes les formes sensibles et intelligibles, en un mot, comme forme première et immuable de toute existence et de toute vie. Voici le chapitre tout entier, un des plus beaux de l'ouvrage. Je parle de cette beauté sévère de la métaphysique, dont la précision et la vigueur sont les plus nobles attraits. Ces philosophes platoniciens, Cité de Dieu, livre 8, chapitre 6, si justement supérieurs à tous les autres en gloire et en renommée, ont compris que nul corps n'est Dieu, et c'est pourquoi ils ont cherché Dieu au-dessus de tous les corps. Ils ont également compris que tout ce qui est muable n'est pas le Dieu suprême, et c'est pourquoi ils ont cherché le Dieu suprême au-dessus de toute âme et de tout esprit sujet au changement. Ils ont compris enfin qu'en tout être muable, la forme ou l'essence qui le fait ce qu'il est, quelle que soit sa nature et ses modes, ne peut venir que de celui qui est en vérité, parce qu'il est immuablement. Si donc vous considérez tour à tour le monde entier avec ses figures, ses qualités, ses mouvements réguliers, ses éléments qui embrassent dans leur harmonie le ciel, la terre et tous les êtres corporels, puis l'âme en général, tant celle qui maintient les parties du corps et le nourrit, comme dans les arbres, que celle qui donne en outre le sentiment, comme dans les animaux, et celle qui ajoute au sentiment la pensée, comme dans les hommes. Et c'est l'enfant qui n'a pas besoin de la faculté nutritive, et se borne à maintenir, sentir et penser, comme chez les anges, rien de tout cela, corps ou âme, ne peut tenir l'être que de celui qui y est. Car en lui, être n'est pas une chose, et vivre une autre, comme s'il pouvait être sans être vivant. Et de même, la vie n'est pas en lui une chose et la pensée une autre, comme s'il pouvait vivre et vivre sans pensée, et enfin la pensée en lui n'est pas une chose et le bonheur une autre, comme s'il pouvait penser et ne pas être heureux. Mais pour lui, vivre, penser, être heureux, c'est simplement être. Or, ayant compris cette immutabilité et cette simplicité parfaite, les platoniciens ont vu que toutes les choses tiennent l'être de Dieu et que Dieu ne le tient d'aucun. Tout ce qui est, en effet, est corps ou âme, et il vaut mieux être âme que corps. De plus, la forme du corps est sensible, celle de l'âme est intelligible, d'où ils ont conclu que la forme intelligible est supérieure à la forme sensible. Il faut entendre par sensible ce qui peut être saisi par la vue et le tact corporel, par intelligible, ce qui peut être atteint par le regard de l'âme. La beauté corporelle, en effet, soit qu'elle consiste dans l'état extérieur d'un corps, dans sa figure par exemple, soit dans son mouvement, comme cela se rencontre en musique, a pour véritable juge l'esprit. Or, cela serait impossible, s'il n'y avait point dans l'esprit une forme supérieure, indépendante de la grandeur, de la masse, du bruit des sons, de l'espace et du temps. Admettez maintenant que cette forme ne soit pas muable, comment tel homme jugerait-il mieux que tel autre des choses sensibles, le plus vif d'esprit mieux que le plus lent, le savant mieux que l'ignorant, l'homme exercé mieux que l'inculte, la même personne une fois cultivée mieux qu'avant de l'être? Or, ce qui est susceptible de plus et de moins, est muable. D'où ces savants et pénétrants philosophes, qui avaient fort approfondi ces matières, ont conclu avec raison que la forme première ne pouvait se rencontrer dans des êtres convaincus de mutabilité. Voyant donc que le corps et l'âme ont des formes plus ou moins belles et excellentes, et que, s'ils n'avaient point de forme, ils n'auraient point d'être, ils ont compris qu'il y a un être où se trouve la forme première et immuable, laquelle, à ce titre, n'est comparable avec aucune autre. Par suite, que là est le principe des choses, qui n'est fait par rien n'est par qui tout est fait. Et c'est ainsi que ce qui est connu de Dieu, Dieu lui-même l'a manifesté à ses philosophes, depuis que les profondeurs invisibles de son essence, sa vertu créatrice et sa divinité éternelle sont devenues visibles par ses ouvrages. Saint Paul, Romains 1, 19, 20. Dieu est donc tout ensemble le principe de la vérité et le principe de l'être, l'unité primitive rendue visible à elle-même et à toute intelligence par cette splendeur de la raison éternelle qui est le caractère de son essence. Mais pourquoi ce Dieu qui se manifeste éternellement à lui-même dans la lumière intérieure de son Verbe, s'est-il manifesté au dehors? Pourquoi cet être parfait, qui se suffit en soi, est-il sorti de soi pour produire l'univers? Est-ce par caprice et au hasard? Est-ce par une nécessité inhérente à sa nature? Est-ce par un acte de sa volonté? On comprend aisément que Platon et saint Augustin ne pouvaient admettre en Dieu soit le caprice et le hasard, soit l'indigence et la nécessité, sans se donner à eux-mêmes un complet démenti, sans briser de leur propre main tout l'ouvrage de leur métaphysique. Le caprice et le hasard se laissent rencontrer dans des êtres imparfaits et misérables comme l'homme, et encore sont-ils assujettis à de secrètes lois. Mais, en Dieu, dans l'être immuable, caprice et hasard sont des mots vides de sens. Dieu y aurait-il besoin de ses créatures, et obéirait-il en créant à la nécessité de compléter son être et sa vie? Mais Dieu est parfait. Dieu se connaît et se possède lui-même. Il renferme en son être les éléments d'une vie heureuse et d'une félicité accomplie. Si donc Dieu devient fécond, s'il veut être père, s'il veut communiquer l'être et la vie, c'est que Dieu est bon. Il n'est pas seulement l'être parfait et la parfaite intelligence, il est la bonté même. Écoutons tour à tour Platon et saint Augustin. Disons la cause qui a porté le suprême ordonnateur à produire et à composer cet univers. Il était bon, et celui qui est bon n'a aucune espèce d'envie. Exempt d'envie, il a voulu que toutes choses fussent autant que possible semblables à lui-même. Quiconque, instruit par des hommes sages, admettra ceci comme la raison principale de l'origine et de la formation du monde sera dans le vrai. Timée, traduction de Monsieur Cousin, tome 11, page 110. Saint Augustin souscrit sans réserve à cette explication du pourquoi de la création, et il recueille avec sympathie, en l'interprétant comme un vrai philosophe, cette image touchante et sublime que Platon nous présente de Dieu, quand il nous dépeint le Père du monde tressaillant de joie au spectacle de son œuvre en mouvement et vivante. Même ouvrage, pages 129 et 130. Saint Augustin reconnaît à ce trait le Dieu de la Genèse, et il explique avec force, contre une fausse théologie, les paroles tant controversées de la Bible, et Dieu vit que cela était bon. En quel sens, dit-il, entendre ces paroles, qui sont répétées après chaque création nouvelle? Dieu vit que cela était bon, sinon comme une approbation que Dieu donne à son ouvrage, fait selon les règles d'un art qui n'est autre que sa sagesse? En effet, Dieu n'apprit pas que son ouvrage était bon, après l'avoir fait, puisqu'il ne l'aurait pas fait, s'il ne l'avait connu bon avant que de le faire. Lors donc qu'il dit, cela était bon, il ne l'apprend pas, il l'enseigne. Platon est allé plus loin, quand il a dit que Dieu fut transporté de joie après avoir achevé le monde. Certes, Platon était trop sage pour croire que la nouveauté de la création eût ajouté à la félicité divine, mais il a voulu faire entendre que l'ouvrage qui avait plu à Dieu avant que de le faire, lui avait plu aussi lorsqu'il fut fait. Ce n'est pas que la science de Dieu éprouve aucune variation et qu'il connaisse de plusieurs façons diverses ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. La connaissance qu'il a du présent, du passé et de l'avenir, n'a rien de commun avec la nôtre. Prévoir, voir, revoir, pour lui, c'est tout un. Il ne passe pas comme nous d'une chose à une autre en changeant de pensée, mais il contemple toute chose d'un regard immuable. Ce qui est actuellement, ce qui n'est pas encore, ce qui n'est plus, sa présence stable et éternelle embrasse tout. Et il ne voit pas autrement des yeux, autrement de l'esprit, parce qu'il n'est pas composé de corps et d'âme. Il ne fait pas aujourd'hui autrement qu'il ne faisait hier ou qu'il ne fera demain, parce que sa connaissance ne change pas, comme la nôtre, selon les différences de temps. C'est de lui qu'il est dit, qu'il ne reçoit de changement ni d'ombre par aucune révolution, Jacques 1, 17, car il ne passe point d'une pensée à une autre, lui dont le regard incorporel embrasse tous les objets comme simultanés. Il connaît le temps d'une connaissance indépendante du temps, comme il meut les choses temporelles sans subir aucun mouvement temporel. Il a donc vu que ce qu'il avait fait était bon là même où il avait vu qu'il était bon de le faire, et, en regardant son ouvrage accompli, il n'a pas doublé ou accru sa connaissance, comme si elle eût été moindre auparavant, lui dont l'ouvrage n'aurait pas toute sa perfection, si l'accomplissement de sa volonté pouvait ajouter quelque chose à la perfection de sa connaissance. C'est pourquoi, s'il n'eût été question que de nous apprendre quel est l'auteur de la lumière, il aurait suffi de dire « Dieu fit la lumière », ou si l'Écriture eût voulu nous faire savoir en outre par quels moyens il l'a faite, c'eût été assez de ses paroles « Dieu dit que la lumière soit faite », et la lumière fut faite, car nous aurions su de la sorte non seulement que Dieu a fait la lumière, mais qu'il l'a faite par sa parole. Mais comme il était important de nous apprendre trois choses touchant la créature, qui l'a faite, par quels moyens, et pourquoi elle a été faite, l'Écriture a marqué tout cela en disant, Dieu dit, que la lumière soit faite, et la lumière fut faite, et Dieu vit que la lumière était bonne. Ainsi c'est Dieu qui a fait toutes choses, c'est par sa parole qu'il les a faites, et il les a faites parce qu'elles sont bonnes. Il n'y a point de plus excellent ouvrier que Dieu, ni d'art plus efficace que sa parole, ni de meilleure raison de la création que celle-ci. Une œuvre bonne a été produite par un bon ouvrier. Platon apporte aussi cette même raison de la création du monde, et dit qu'il était juste qu'une œuvre bonne fût produite par un Dieu bon. Soit qu'il ait lu cela dans nos livres, soit qu'il l'ait appris de ceux qu'il y avait lu, soit que la force de son génie l'ait élevé de la connaissance des ouvrages visibles de Dieu à celle de ses grandeurs invisibles, soit enfin qu'il ait été instruit par ceux qui étaient parvenus à ces hautes vérités. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 21. Voyez un autre passage fort considérable de la Cité de Dieu, livre 8, chapitre 11 et 12, où saint Augustin reconnaît loyalement qu'il s'est trompé en supposant que Platon a pu connaître la Bible, soit par un prétendu commerce avec Jérémie, soit par la lecture de la version des Septante. Saint Augustin est si pleinement satisfait de cette explication platonicienne du pourquoi de la création, qu'il ne peut comprendre que certains théologiens, notamment Origène, osent la répudier. Il les réfute avec une vivacité extrême, et, pour achever de les réduire au silence, il leur demande s'y refuser de voir dans la sagesse et dans la bonté de Dieu la raison dernière de la création. Ce n'est pas méconnaître le Dieu du christianisme, Dieu triple et un, qui agit nécessairement selon ce qu'il est, c'est-à-dire tout à la fois comme essence, comme intelligence et comme amour. Et en effet, dit-il, lorsqu'à cette triple question, qui a fait le monde, par quels moyens, pour quelle fin, on fait cette triple réponse, Dieu, par son Verbe, pour le bien, n'y a-t-il pas dans les mystiques profondeurs de ces vérités une manifestation de la Trinité divine, Père, Fils et Saint-Esprit? Cité de Dieu, livre 11, chapitre 23. Ici se pose une question nouvelle et pleine de périls, qui a souvent assiégé l'esprit de saint Augustin, et dont il a donné dans les Confessions et la Cité de Dieu une solution très remarquable, c'est la question de l'éternité de la création. Quand il expliquait si bien tout à l'heure comment Dieu a nécessairement dû connaître ses créatures avant de les produire, saint Augustin a rencontré une difficulté qu'il n'a pas résolue, et la voici. Se peut-il concevoir qu'il y ait en Dieu, être éternel et immuable, un avant et un après? Saint Augustin a montré avec force que l'intelligence de Dieu, comme son essence, est étrangère aux vicissitudes du temps, que pour lui, prévoir, voir, revoir, c'est tout un, et qu'il embrasse le présent, le passé et l'avenir d'un même regard immuable. Mais alors comment admettre que la création ait un commencement dans le temps? C'est-à-dire que Dieu est passé à un certain moment du repos à l'action pour revenir ensuite au repos. N'est-ce pas le concevoir comme un être sujet au changement? N'est-ce pas assimiler son activité à notre effort laborieux et rabaisser jusqu'à la créature la majesté avilie de l'éternel Créateur? Il n'y a pas de problème plus difficile en métaphysique. Il n'y en a pas auquel saint Augustin ait plus réfléchi. Et c'est pourquoi, sans s'écarter de son guide ordinaire, Platon, il a su laisser ici la vive empreinte de son propre génie. Méditez tour à tour avec saint Augustin les deux alternatives que présente ce problème à la raison, d'une part, un Dieu éternel et immuable qui, à un moment déterminé, entre en action pour produire ce qui n'existait pas auparavant, de l'autre, un monde qui a toujours existé, une chaîne de siècles qui n'a pas de premier anneau, une création coéternelle au Créateur. Plus vous y penserez et plus votre esprit s'épouvantera d'être forcé de choisir entre deux conceptions qui paraissent également hérissées de difficultés insolubles. J'ose dire qu'il n'y a pas un philosophe qui n'ait cru, au moins par instant, ce qu'Emmanuel Kant a systématiquement professé. Savoir que le problème de l'éternité de la création renferme une de ces antinomies qui seront toujours l'écueil de la métaphysique. Saint Augustin a parfaitement connu les difficultés et les périls de chacune des deux alternatives contraires. On demande quelquefois, dit-il, Confession, livre 11, chapitre 12, ce que Dieu faisait avant de faire le ciel et la terre. La question est très sérieuse et je n'imiterai pas celui qui, n'ayant rien à répondre, se tira d'affaire par cette plaisanterie que Dieu, avant de créer le monde, s'occupait à préparer des châtiments pour les esprits trop curieux. Le mot est plus ou moins piquant, mais la question subsiste. À mesure qu'on pense davantage à Dieu, on reconnaît mieux qu'un des caractères les plus essentiels de sa nature, c'est l'immutabilité. Par là il se distingue profondément de tout ce qui n'est pas lui. Parfait en soi et se suffisant pleinement à soi-même, il n'y a en son être ni variation, ni changement. Passer du repos à l'action, et de l'action au repos, c'est le propre d'une nature imparfaite qui tend avec effort vers une perfection plus grande, se fatigue et reprend haleine pour recommencer. En Dieu, rien de semblable, sa volonté doit être immuable comme son essence, et au lieu de se répandre comme le nôtre en une série d'efforts successifs, elle se concentre en un acte simple, unique, éternel. Dès lors, poursuit le théologien philosophe, quand il est dit que Dieu se reposa le septième jour, il ne faut voir là qu'une expression humaine et symbolique. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 8 et 31. De même, les jours de la création marquent la hiérarchie des êtres et les époques successives de leur apparition sur la face du monde, mais l'action de Dieu ne se décompose pas en époques. Elle est une, puisqu'elle est parfaite. Comment donc se peut-il comprendre que, pendant une suite infinie de siècles, Dieu n'ait pas agi? Ici saint Augustin rencontre les philosophes de l'école d'Alexandrie, les Plotins, les Porphyres, les Jambliques, qui, pénétrés du principe de l'immutabilité divine, en avaient déduit l'éternité de la création. Saint Augustin ne peut consentir à s'associer à une telle doctrine, mais il est trop pénétrant et trop loyal pour la confondre avec celle des matérialistes épicuriens qui soutenaient que les formes seules du monde changent, mais que la matière, les atomes, existent éternellement et par eux-mêmes. Pour ces philosophes, le monde est incréé, il n'y a pas de créateur, la question de la création n'existe pas. L'erreur des philosophes d'Alexandrie est d'un ordre plus relevé. Ils admettent que le monde ne se suffit pas à lui-même et qu'il est l'ouvrage de Dieu. Seulement, ils refusent de croire que le monde ait commencé et voient en lui la manifestation éternelle de l'éternelle activité. Saint Augustin ne consent pas à discuter longuement avec les disciples d'Épicure, sans invoquer, dit-il, les témoignages des prophètes, le monde même proclame en silence, par ses révolutions si régulières et par la beauté de toutes les choses visibles, qu'il a été créé et qu'il n'a pu l'être que par un Dieu dont la grandeur et la beauté sont invisibles et ineffables. Voilà pour les matérialistes. Mais, ajoute saint Augustin, quant à ceux qui, tout en avouant que le monde est l'ouvrage de Dieu, ne veulent pas lui reconnaître un commencement de durée, mais un simple commencement de création, ce qui se terminerait à dire d'une façon presque inintelligible que le monde a toujours été fait, il semble, à la vérité, mettre par là Dieu à couvert d'une témérité fortuite, et empêcher qu'on ne croie qu'il ne lui soit venu tout d'un coup quelque chose en l'esprit qu'il n'avait pas auparavant, c'est-à-dire une volonté muable de créer le monde, à lui, qui est incapable de tout changement. Mais je ne vois pas comment cette opinion peut subsister à d'autres égards. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 4. En effet, suivez l'enchaînement nécessaire des conséquences. Si vous admettez que le monde est infini quant à la durée, il faudra nécessairement admettre qu'il est infini quant à l'étendue. Autrement, on vous demandera pourquoi Dieu n'a rien créé dans ces espaces immenses que l'esprit conçoit au-delà de tout univers fini, tout comme les Alexandrins demandaient tout à l'heure à ceux qui font le monde fini quant à la durée. Pourquoi Dieu n'a rien fait pendant cette suite de siècles que l'esprit conçoit au-delà de toute durée déterminée? Voilà donc le monde infini selon la durée et selon l'étendue. N'est-ce pas le faire indépendant de Dieu? N'est-ce pas rendre Dieu inutile en divinisant l'univers? Telles sont les difficultés qui semblent inséparables de chacune des deux alternatives du problème de la création. La raison ne peut se satisfaire ni d'un monde coéternel à Dieu, ni d'un Dieu qui ait créé le monde dans le temps. Pour dénouer, s'il est possible, ce nœud inextricable, il n'y a qu'un moyen, c'est d'approfondir les notions de l'éternité et du temps. Aussi saint Augustin s'y applique-t-il avec ardeur, et nous allons le voir déployer en ces difficiles recherches une finesse et une pénétration d'analyse tout à fait supérieures. La notion du temps, dit-il, est une des plus familières et revient sans cesse dans nos discours. Nul homme, si grossier qu'il soit, qui ne comprenne ce que c'est qu'une durée plus ou moins longue, un siècle, un jour, un instant. Qu'est-ce donc que le temps et la durée? Rien de plus difficile à définir. Le temps a trois modes, le présent, le passé et l'avenir. Or le passé, c'est ce qui n'est plus, et l'avenir ce qui n'est pas encore. Le présent seul paraît avoir un être positif. Mais qu'est-ce que le présent? Est-ce un siècle, une année, un jour, une heure, en effet? C'est déjà un espace de temps qui se décompose en parties, les unes passées qui ne sont plus, les autres futures qui ne sont pas encore. Comment saisir, comment définir cette portion indivisible qui constitue le présent? Chose singulière, le présent seul existe effectivement, et à peine est-il qu'il n'est déjà plus. Resserré entre deux néants, celui du passé et celui de l'avenir, il n'a qu'un être fugitif et insaisissable. Confession, livre 11, chapitre 14 à 17. On dit que le temps, c'est le mouvement des sphères célestes, et sans doute, ce mouvement nous aide à diviser et à mesurer le temps, mais il ne le constitue pas. Que les astres cessent leur mouvement, pourvu que l'humble route du potier continue le sien, elle me donnera l'idée du temps. Livre 11, chapitre 23. Dira-t-on que le temps, c'est en général le mouvement des corps? Mais le mouvement des corps se fait dans le temps? Il ne constitue pas le temps, il le suppose. C'est à l'aide du temps que je mesure le mouvement des corps, que je l'appelle lent ou rapide, égal ou inégal. J'ai donc une mesure du temps indépendante du mouvement corporel. Même livre. Chapitre 25. Pour comprendre le temps et ses mesures, il faut se dégager des impressions confuses des sens. Il faut rentrer au fond de la conscience. C'est en toi-même, ô mon esprit, que je mesure le temps. Ne me demande pas encore comment cela se fait, et prends garde de ne pas t'étourdir par le bruit des opinions et des préjugés. Oui. C'est en toi-même que je mesure le temps, et ce que je mesure à proprement parler, c'est l'impression que les choses font en toi, lorsqu'elles sont présentes et qui subsistent après qu'elles sont passées. C'est cette impression même, qui m'est encore présente, que je mesure, et non pas ce qui l'a produite et qui est déjà passé. Voilà donc ce que je mesure, quand je mesure le temps. C'est cela même. Et c'est cela seul, où il n'est point vrai que je mesure le temps. Livre 11, chapitre 27. C'est donc, si j'entends bien saint Augustin, dans la conscience et à l'aide de la mémoire que nous trouvons la première notion de la durée. L'esprit lui-même en est le type et la mesure, Et c'est en ajoutant à la conscience de sa vie présente le souvenir de sa vie passée et la prévision de sa vie future qu'il forme l'idée du temps. Il y a, dit saint Augustin, trois actes simultanés de l'esprit, l'attention, l'attente et le souvenir. L'esprit attend l'avenir, saisit le présent et se souvient du passé, est expectat, est attendit, est meminit. Par l'attente, l'avenir devient présent à l'esprit, le souvenir rend présente les choses écoulées, et par l'attention, l'esprit donne en quelque sorte de l'étendue et de la fixité à l'insaisissable présent. Même livre, chapitre 28. Quel est le résultat de cette fine et ingénieuse analyse où saint Augustin devance et égale les recherches les plus profondes de la psychologie moderne? C'est que si le temps n'est pas le mouvement des corps en général, ni plus généralement encore le changement des choses créées, le temps toutefois suppose le changement. Ce n'est point sans doute par les sens extérieurs que nous acquérons la notion du temps, mais par le sens intime, et c'est l'esprit, le moi, qui est pour nous le modèle primitif de la chose qui dure. Mais l'esprit, tout supérieur qu'il est au corps, l'esprit est chose créée, chose changeante. Il s'écoule sans cesse. Du présent qui passe et s'engloutit dans le passé, il va vers un avenir qui bientôt s'effacera à son tour. Il en est ainsi de tous les êtres, et même des anges. Saint Augustin, dans les Confessions, avait admis que la nature angélique, bien que faite de rien, est unie à Dieu d'une façon si parfaite que l'acte simple de cette union échappe à la loi du temps. Confession, livre 12, chapitre 11 à 15. Mais des réflexions nouvelles modifièrent sa pensée, et dans la cité de Dieu, ouvrage de sa pleine maturité, il déclare que les anges mêmes, malgré la perfection de leur vie heureuse au sein de Dieu, restent sujets aux changements et aux vicissitudes du présent, du passé et de l'avenir. Cité de Dieu, livre 12, chapitre 15. Dieu seul est éternel, parce que Dieu seul est immuable, parce que Dieu seul est incréé, parce que Dieu seul est Dieu. Et comment y aurait-il en Dieu écoulement de durée, puisque son être simple et parfait subsiste toujours identique à soi? Toutes vos années, ô mon Dieu, ne sont qu'un seul jour. Ce n'est point une suite de plusieurs jours, mais un aujourd'hui perpétuel qui ne passe point pour faire place au lendemain et qui n'a point eu d'hier à qui il ait succédé. Et cet aujourd'hui, c'est l'éternité. Confession, livre 11, chapitre 4. Qui ne reconnaît en ses paroles l'écho affaibli, mais fidèle, de ces grands passages du Timée? Dieu résolut de faire une image mobile de l'éternité, et par la disposition qu'il mit entre toutes les parties de l'univers, il fit de l'éternité qui repose dans l'unité, cette image éternelle, mais divisible, que nous appelons le temps. Avec le monde, naquirent les jours, les nuits, les mois et les années qui n'existaient point auparavant. Ce ne sont là que les parties du temps, le passé, le futur en sont des formes passagères que, dans notre ignorance, nous transportons mal à propos à la substance éternelle, car nous nous avons l'habitude de dire « Elle fut, elle est, et sera. Elle est. » Voilà ce qu'il faut dire en vérité. Le passé et le futur ne conviennent qu'à la génération qui se succède dans le temps, car ce sont là des mouvements. Mais la substance éternelle, toujours la même et immuable, ne peut devenir ni plus vieille, ni plus jeune, de même qu'elle n'est, ne fut, ni ne sera jamais dans le temps. Elle n'est sujette à aucun des accidents que la génération impose aux choses sensibles, à ces formes du temps qui imitent l'éternité et se meut dans un cercle nommé par le nombre. Platon, Timée, page 130. Voilà donc, suivant Platon et saint Augustin, voilà les vraies notions du temps et de l'éternité. L'éternité est l'attribut incommunicable de Dieu, le temps, la loi de toutes les créatures. L'éternité est immuable et simple. Le temps est mobile et divisible. Revenons maintenant au problème de la création, et peut-être, à la lumière de ces notions mieux démêlées, y verrons-nous un peu plus clair. Si le temps suppose le changement, et si le changement suppose des êtres changeants, des créatures, dont les états successifs donnent naissance au présent, au passé et à l'avenir, il suit de là qu'en détruisant par la pensée toute créature, du même coup vous supprimez le temps. Dès lors se représenter un certain temps qui a précédé le monde, c'est-à-dire qui a existé avant l'ensemble des créatures, c'est une idée contradictoire. Demander ce que Dieu faisait avant la création du monde, c'est une question insensée, puisque ces mots, avant le monde, suppose un temps antérieur au monde, c'est-à-dire un temps indépendant de toute créature et de tout changement, c'est-à-dire un temps vide, un temps où il n'y avait ni présent, ni passé, ni avenir, ce qui est une palpable contradiction. De même dire que le monde et le temps sont coéternels à Dieu, c'est se servir d'un langage inintelligible, car entre le monde et le temps, qui par leur nature change et s'écoule, et Dieu dont l'être est immuable, il y a radicale opposition. Confession, livre 11, chapitre 13. Il faut donc dire avec Platon que le monde et le temps ont été créés ensemble par l'ouvrier éternel. Dieu précède le monde, non d'une priorité de temps, car alors il lui serait analogue, mais d'une priorité de nature et d'essence. Même ouvrage, livre 12, chapitre 29. Ici saint Augustin se fait une objection. Comment Dieu a-t-il toujours été Seigneur, c'est-à-dire comment Dieu a-t-il toujours été adoré, s'il n'y a pas toujours eu des créatures? Saint Augustin ne peut consentir à abandonner ce principe que Dieu a toujours eu la qualité de Seigneur et qu'il a toujours été adoré. S'il en était autrement, en effet, la qualité de Seigneur serait donc une nouveauté en Dieu, au moment où il commencerait à être adoré. Mais, d'un autre côté, admettra-t-on que le genre humain ait toujours existé? Évidemment, nul chrétien ne l'admettra, et d'ailleurs, autorité à part, la raison est d'accord avec la jeunesse pour renverser cette hypothèse de certains philosophes qui admettaient je ne sais quelle révolution de siècle reproduisant et ramenant sans cesse les mêmes êtres, le genre humain comme tout le reste. Cité de Dieu, livre 12, chapitre 13. La raison et la foi reconnaissent donc qu'il y a un premier homme. Bien que cette apparition d'un être nouveau dans le temps renferme un mystère profond et soit bien difficile à concilier avec l'unité de l'acte créateur et l'immutabilité absolue de la volonté divine, même livre, chapitre 12 et 14. Or, si l'homme est nouveau sur la terre, comment Dieu, avant la formation de l'homme, pouvait-il être Seigneur? Il était adoré par les anges. Répond saint Augustin. Mais alors revient cette difficulté. Les anges ont donc toujours existé, et, s'il en est ainsi, comment ne sont-ils point coéternels à Dieu? Que répondre à cela, dit saint Augustin. Allégrons-nous que les anges ont toujours été parce qu'ils ont été en tout temps, ayant été faits avec le temps ou le temps avec eux, et ajouterons-nous que néanmoins ils ont été créés? Aussi bien, on ne saurait nier que le temps lui-même n'ait été créé, et cependant personne ne doute que le temps n'ait été en tout temps, puisque, s'il en était autrement, il faudrait croire qu'il y a eu un temps où il n'y avait point de temps. Mais il n'est personne d'assez extravagant pour avancer pareille chose. Nous pouvons fort bien dire, il y avait un temps où Rome n'était point, il y avait un temps où Abraham n'était point, il y avait un temps où l'homme n'était point. Mais dire qu'il y avait un temps où il n'y avait point de temps, c'est comme si l'on disait, il y avait un homme, quand il n'y avait aucun homme, ou, le monde était, quand il n'y avait pas de monde, ce qui est absurde. Si on ne parlait pas d'un seul et même objet, Alors, sans doute, on pourrait dire, il y avait un certain homme alors que tel autre homme n'était pas, et pareillement, en tel temps et tel siècle, tel autre temps, tel autre siècle n'était pas. Mais dire, il y a eu un temps où il n'y avait pas de temps, c'est, je le répète, ce que l'homme le plus fou n'oserait faire. Si donc il est vrai que le temps a été créé, tout en ayant toujours été, parce que le temps a nécessairement été de tout temps, on doit aussi reconnaître qu'il ne s'ensuit pas de ce que les anges ont toujours été, qu'il n'ait point été créé, car si l'on dit qu'ils ont toujours été, c'est qu'ils ont été en tout temps, et s'ils ont été en tout temps, c'est que le temps n'a pu être sans eux. En effet, il ne peut y avoir de temps où il n'y a point de créature dont les mouvements successifs forment le temps, et conséquemment, encore qu'ils aient toujours été, ils ne laissent pas d'avoir été créés et ne sont point pour cela coéternels à Dieu. Dieu a toujours été par une éternité immuable, au lieu que les anges n'ont toujours été que parce que le temps n'a pu être sans eux. Or, comme le temps passe par sa mobilité naturelle, il ne peut égaler une éternité immuable. C'est pourquoi, bien que leur immortalité ne s'écoule pas dans le temps, bien qu'elle ne soit ni passée, comme si elle n'était plus, ni future, comme si elle n'était pas encore, néanmoins leurs mouvements qui composent le temps vont du futur au passé, et, partant, ne sont point coéternels à Dieu, qui n'admet ni passé, ni futur, dans son immuable essence. Voici donc la conclusion de saint Augustin. De cette manière, si Dieu a toujours été Seigneur, il a toujours eu des créatures qui lui ont été assujetties et qui n'ont pas été engendrées de sa substance, mais qu'il a tirées du néant, et qui, par conséquent, ne lui sont pas coéternelles. Il était avant elles, quoiqu'il n'ait jamais été sans elles, parce qu'il ne les a pas précédées par un intervalle de temps, mais par une éternité fixe. C'est ainsi que saint Augustin a résolu le problème de l'éternité de la création. Est-il parvenu à concilier l'éternité de l'action créatrice avec la dépendance des choses créées? A-t-il par avance désarmé la dialectique de Kant? Nous n'oserions pas l'affirmer, mais ce qui nous semble incontestable, c'est qu'il a touché d'une main délicate et hardie un des plus profonds mystères de l'esprit humain, et qu'à tous ces titres de gloire il en faut ajouter un nouveau, celui de psychologue ingénieux et d'éminent métaphysicien. Il nous reste, pour compléter l'exposition de sa théodicée, à indiquer d'une manière générale le principe de son optimisme. Si Dieu est par essence le bien, s'il crée le monde par bonté, après que sa sagesse éternelle lui a représenté idéalement le monde comme une expression fidèle de ses perfections, il s'ensuit que le monde est essentiellement bon et que le mal ne peut avoir d'existence absolue. Celui qui est parfait en bonté, dit Platon, n'a pu et ne peut rien faire qui ne soit très bon. Il trouva que de toutes les choses visibles il ne pouvait absolument tirer aucun ouvrage qui fût plus beau qu'un être intelligent, et que, dans aucun être intelligent, il ne pouvait y avoir d'intelligence sans âme. En conséquence, il mit l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps, et il organisa l'univers de manière à ce qu'il fût par sa constitution l'ouvrage le plus beau et le plus parfait. Platon, Timée, page 119, 120. Même doctrine, même langage dans le dixième livre, des lois. Le roi du monde a imaginé dans la distribution de chaque partie le système qu'il a jugé le plus facile et le meilleur, afin que le bien eût le dessus et le mal le dessous dans l'univers. C'est par rapport à cette vue du tout qu'il fait la combinaison générale des places et des lieux que chaque être doit prendre et occuper d'après ses qualités distinctives. Loi, livre 10, traduction française, tome 8. Page 265. Si, dans ce beau passage, Platon parle du mal, il n'entend pas un mal effectif et absolu, mais un mal purement relatif. car c'est sa doctrine partout déclarée, et qui s'est transmise à toute son école que le bien seul est positif, tandis que le mal n'existe que négativement. Saint Augustin est encore ici tout pénétré de Platon, et on sent qu'il s'estime heureux de concilier sans violence les inspirations révérées du grand philosophe avec la doctrine expresse du christianisme. Il n'y a, dit-il, aucune nature mauvaise et le mal n'est qu'une privation du bien. Mais depuis les choses de la terre jusqu'à celles du ciel, depuis les visibles jusqu'aux invisibles, il en est qui sont meilleures les unes que les autres, et leur existence à toutes tient essentiellement à leur inégalité. Or, Dieu n'est pas moins grand dans les petites choses que dans les grandes, car il ne faut pas mesurer les petites par leur grandeur naturelle, qui est presque nulle, mais par la sagesse de leur hauteur. C'est ainsi qu'en rasant un sourcil à un homme, on ôterait fort peu de son corps, mais on ôterait beaucoup de sa beauté, parce que la beauté du corps ne consiste pas dans la grandeur de ses membres, mais dans leur proportion. Cité de Dieu, livre 11, chapitre 22. L'homme a coutume de juger les choses par rapport à lui, et alors il trouve dans l'univers une foule de choses mauvaises. On ne remarque pas combien ces choses sont excellentes dans leur essence et dans la place qu'elles occupent, avec quel art admirable elles sont ordonnées, à quel point elles contribuent, chacune en particulier, à la beauté de l'univers et quels avantages elles nous apportent, quand nous savons en bien user. En sorte que les poisons même deviennent des remèdes, étant employés à propos, et qu'au contraire les choses qui nous flattent le plus, comme la lumière, le boire et le manger, sont nuisibles par l'usage qu'on en fait. La divine providence nous avertit par là de ne pas blâmer témérairement ses ouvrages, mais d'en rechercher soigneusement l'utilité, et lorsque notre intelligence se trouve en défaut, de croire que ces choses sont cachées comme l'étaient plusieurs autres que nous avons eu peine à découvrir. Si Dieu permet qu'elles soient cachées, c'est pour exercer notre humilité et pour abaisser notre orgueil. Même livre, même chapitre. Condamner les défauts des bêtes, des arbres et des autres choses muables et mortelles, privées d'intelligence, de sentiments ou de vie, sous prétexte que ces défauts les rendent sujettes à se dissoudre et à se corrompre, c'est une absurdité ridicule. Ces créatures, en effet, ont reçu leur manière d'être de la volonté du Créateur, afin d'accomplir par leur vicissitude et leur succession cette beauté inférieure de l'univers qui est assortie dans son genre à tout le reste. Il ne convenait pas que les choses de la terre fussent égales aux choses du ciel, et la supériorité de celles-ci n'était pas une raison de priver l'univers de celles-là. Lors donc que nous voyons certaines choses périr pour faire place à d'autres qui naissent, les plus faibles succomber sous les plus fortes, et les vaincus servir en se transformant aux qualités de celles qui triomphent, tout cela en son lieu et à son heure, c'est l'ordre des choses qui passe. Et si la beauté de cet ordre ne nous plaît pas, c'est que lié par notre condition mortelle à une partie de l'univers changeant, nous ne pouvons en sentir l'ensemble, où ces fragments qui nous blessent trouvent leur place, leur convenance et leur harmonie. Cité de Dieu, livre 12, chapitre 4. Ainsi, toutes les natures, dès qu'elles sont, ont leur mode, leur espèce, leur harmonie intérieure, et partant sont bonnes. Et comme elles sont placées au rang qui leur convient selon l'ordre de la nature, elles s'y maintiennent. Celles qui n'ont pas reçu un être permanent sont changées en mieux ou en pis, selon le besoin et le mouvement des natures supérieures ou les absorbe la loi du Créateur, allant ainsi vers la fin qui leur est assignée dans le gouvernement général de l'univers. De telle sorte toutefois que le dernier degré de dissolution des natures muables et visibles n'aille pas jusqu'à réduire l'être au néant et à empêcher ce qui n'est plus de servir de germe à ce qui va naître. S'il en est ainsi, Dieu qui est souverainement, et qui pour cette raison a fait toutes les essences, lesquelles ne peuvent être souverainement, puisqu'elles ne peuvent lui être égales, ayant été fait de rien, ni existé d'aucune façon s'il ne leur donne l'existence, Dieu, dis-je, ne doit être blâmé pour les défauts d'aucune des natures créées, et toutes au contraire doivent servir à l'honorer. Même livre, chapitre 5. Reste à savoir maintenant quel est, dans cette harmonie universelle des choses, le rôle que la Providence a confié à l'homme. C'est l'objet d'une science nouvelle où saint Augustin va recueillir encore avec respect les inspirations de Platon. markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.